Sewa son de opoy, na de kwani bongo gwendene. Sewa son mu sewa son de opoy, na de kwani bongo gwendene. Sewa son mu sewa son de opoy, na de kwani bongo gwendene. J'étais moi chez moi tranquilo, tu es venu, tu commences à parler. Wah, wah, wah, wah. Je te dis pas tant de parler là, si je te donne oh, tu ne peux pas oh. Wah, wah, wah, wah. Tu m'as dit vraiment de Dieu, oh. J'avais senti mon corps comme un poisson dans l'eau. Wah, wah, wah, wah. Maintenant te voilà dormir oh, comme un cadavre. Vrai cadavre moro, cadavere oh, cadavere oh, cadavere oh. J'étais moi, tu sais moi tranquille oh. Tu es venu oh, tu commences à parler. Wah, wah, wah, wah. J'étais dit façon tu parlais là. Si je t'ai donné oh, tu ne peux pas oh. Wah, wah, wah, wah. Tu m'as dit vraiment dédié oh. J'avais senti mon corps comme un poisson dans l'eau. Wah, wah, wah, wah. Maintenant te voilà dormir oh, comme un cadavre, vrai cadavre moro. Cadavre. Aïe. C'est toi qui as dit que tu peux oh, pé oh. Voilà moi oh, pé maintenant oh. C'est toi qui as dit que tu peux oh. Toi qui as dit que tu peux oh, voilà moi oh, voilà moi oh, mais maintenant oh, c'est toi qui as dit que tu peux oh, voilà moi oh, voilà moi oh, mais maintenant oh. Quand tu parlais là, si je t'ai donné oh, tu ne peux pas oh. Maintenant te voilà dormir oh, comme un cadavre, vrai cadavre moro. Cadavre oh, comme un cadavre. Cadavre, c'est wa son de opoy, na de quoi ni bongo bendene. C'est wa son nous, c'est wa. Tu as mangé cola, tu as mangé pita cola. Tu as pris Guinness, oh, travaillez-moi encore maintenant. Maintenant, te voilà dormir, oh, comme un cadavre. Eh, hey, Moussa, tu as gâté le week-end pour moi.